peu les filles. Allez, on va arriver ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny 2 à Z, ici sur RIG 90.7 de la bande FM si vous êtes sur Bordeaux et via internet rigfm.fr. Bienvenue à toutes et à tous pour cette 588e émission de Johnny 2 à Z, et aujourd'hui on va parler d'un album de la semaine. L'album de la semaine s'intitule Johnny 67. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Tout au long de cette soirée, on va écouter bien entendu des extraits de Johnny Hallyday en 1967, extraits de cet album-là, Johnny 67, et également les versions originales, car cet album recouvre de plein d'adaptations de titres anglais, de la musique soul, de la musique folk et aussi du rock. On va faire une petite genèse un petit peu pour arriver un peu à cet album-là. Et là, c'était en 1966 où Johnny Hallyday sortait l'album La Génération Perdue, un album où il explorait les préoccupations de sa génération et s'affirmait pour la première fois comme un artiste engagé. On y trouve dans cet album Noir c'est noir, Cheveux longs y des courtes, deux tubes qui frappent fort et restent aujourd'hui emblématiques. Musicalement, l'album mélange rock, ballade et touche folk avec déjà un souffle international grâce aux enregistrements à Londres. Et c'est un Johnny introspectif qui observe sa génération et prend la parole pour elle. Mais Johnny sent qu'il peut aller plus loin, qu'il doit aller plus loin. Il sort d'une période de remise en question en 1965 et 1966. Il sent qu'il doit chercher un son plus international, plus mature. Il veut rompre avec le style yéyé et s'orienter vers des sonorités plus adultes, proches de la soul américaine et du rock international. Et l'année 67 est charnière. Les Beatles, Otis Redding, les Rolling Stones et Jimi Hendrix dominent la scène mondiale. Johnny veut s'affirmer en tant qu'artiste et prouver qu'un artiste français peut chanter avec la même intensité que ses modèles américains. C'est là que 1967 arrive avec l'album Johnny 67, sorti le 2 juillet 1967, un album charnière. Enregistré entre Paris, Londres et New York, entouré de musiciens anglo-saxons, Johnny se transforme. Il ne se contente plus d'être une idole française, il veut devenir un interprète international. Et on va retrouver de suite le premier extrait de cet album de là, Johnny 67, avec cette reprise de Love Me Tender d'Elvis Presley, Amour d'été. Un amour d'été savais que tu m'aimeras toujours. Oh, de l'amour sincère. Pour un été, pour toujours, on ne sait jamais ce que va durer l'amour, un amour d'été, ce que va durer l'amour. Quand George Abert arrive au studio pour assister à l'enregistrement du classique d'Elvis Presley dont il a imaginé le texte en français, Johnny n'est pas d'humeur. Son grand ami Jean-Pierre Pierre Bloch, juif et fils de résistant, apprenant que vient de se déclarer ce qu'on appellera la guerre du Kippour, a décidé de partir pour défendre Israël. Fidèle à l'amitié, Johnny veut y aller aussi. Et il veut que George Abert vienne. Il faut toute la journée au parolier pour raisonner l'artiste qui finalement consent à chanter sa version de la chanson la moins guerrière qu'on puisse imaginer, Love Me Tender. C'est la version d'Elvis Presley qu'on écoute à présent. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong, and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Hallyday by Hallyday. Envoie-moi la musique. Deuxième extrait de l'album de la semaine, Johnny 67, sorti le 2 juillet 1967. C'est le titre, c'est mon imagination. Ton ombre, elle est là, dans le fond de ma chambre. Seul arrivé de toi, par un soir de décembre. Je te revois, et puis tu disparais, et par mes pleurs,

de haine. Par une nuit tranquille, on traversait la ville, détruit son domaine et ses hommes. C'est un spectacle pour un garçon. Mon fils, il faut que l'on rentre, car ta mère nous attend à la maison. Johnny en live dans l'émission Johnny de A à Z. On retrouvera d'autres extraits live de cette année 1967, moins des titres enregistrés en 1967. L'album de la semaine qui est Johnny 67 marque une transition majeure dans la carrière de Johnny. Le rock et les variétés cèdent la place à la soul, au R&B et à des reprises américaines adaptées par George Abert. Lancris adapte sur cet album un titre, Je n'ai rien demandé, et écrit deux titres originaux, J'ai crié à la nuit et La petite fille de l'hiver. Les titres phares incluent Amour d'été, hein, avec Love Me Tender, Aussi dur que du bois, Knock on Wood, Je m'accroche à mon rêve, Hang on to a Dream, La seule vraie musique, Sweet Soul Music d'Otis Redding et de Arthur Conley. Ces adaptations sont intelligentes et Johnny s'approprie chaque morceau avec intensité et sensibilité. C'est le cas du prochain titre, Je m'accroche à mon rêve. Que puis-je dire quand elle tourne le dos au passé? Que puis-je faire quand elle oublie que l'on s'aimait? Pourtant moi je m'accroche à mon rêve. J'y crois comme au jour quand il se lève. Que puis-je faire? Elle dit que c'est fini, mais au fond, puis-je essayer de savoir pourquoi elle m'a dit non? Pourtant moi je m'accroche à mon rêve. J'y crois comme au jour quand il se lève. Que puis-je dire? Elle en est vraiment sûre. Tout est mort. Que puis-je faire dans sa pensée? J'ai tous les torts. Pourtant moi je m'accroche à mon rêve. J'y crois comme au jour quand il se lève. Alors je m'accroche à mon rêve. 6 mois après le magnifique « Si j'étais un charpentier », Johnny fait à nouveau confiance à Tim Hardin. Bien avant Françoise Hardy ou The Nice, il jette son dévolu sur la chanson « Hang on to a Dream ». Bien que le morceau n'ait jamais été un succès officiel classé, il inspire néanmoins son titre au florilège posthume consacré à Tim Hardin en 1994. Ce n'est pas la version de Tim Hardin qu'on va écouter, mais la reprise du groupe The Nice avec « Hang on to a Dream ». She's walking away. All we song. What can I do? Still loving you. It's all a dream. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? What can I do? She's still saying it's you. With how it was, what will I find? I still can't see why she says what she does. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? Can I say she's walking away from all we saw? What can I do? She's still saying we're through. It's all a dream. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? How can we hang on to a dream? Que je suis. Pourquoi voudriez-vous que je change aujourd'hui? Mon cœur est trop sec, vous me l'avez dit. J'ai toujours tenu l'amour en échec. Tant mieux si je ne dois jamais aimer. L'amour ne me fera pas pleurer. Laissez-moi tranquille. Je n'ai jamais rien demandé. Je sais, j'ai toujours. rassembler. Et l'amour ne m'a jamais fait trembler. Tant mieux si je ne dois jamais aimer. L'amour ne me fera pas pleurer. Laissez-moi, laissez-moi tranquille. Je n'ai jamais rien demandé. Je ne suis pas le type qui vous tend la main. Et je n'ai pas l'habitude de me mettre à genoux. Je ne vais pas tomber parce qu'une petite fille me dit qu'elle m'aime à travers son chagrin. Tant mieux si je ne dois jamais aimer. L'amour ne me fera pas pleurer. Laissez-moi, laissez-moi tranquille. Jamais rien demandé. Tant mieux si je ne dois jamais aimer. L'amour ne me fera pas pleurer. Laissez-moi, laissez-moi tranquille. Je n'ai jamais rien demandé. Tant mieux si je ne dois jamais aimer. L'amour ne me fera pas pleurer. Laissez-moi, laissez-moi tranquille. Je n'ai jamais... Des paroles de Long Chris et évidemment une musique composée par Steve Marriott et Ronnie Lane, les deux Small Faces en chef qui ont écrit cette chanson pour un interprète qui, comme eux, était sous contrat avec Immediate, Chris Farlow. On peut cependant goûter la version des Small Faces sur From the Beginning en 1967. Celle de Rod Stewart, alors chanteur des Small Faces devenu Faces, apparaîtra sur l'album solo Gasoline Alley en 1970. Et justement, on parlait de Rod Stewart, on en reviendra juste après la version qu'on va écouter des Small Faces de 1967, My Way of Giving. Après avoir fait connaissance du jeune Peter Frampton, le chanteur et guitariste Steve Marriott présente celui-ci aux autres membres des Small Faces dans le but de l'intégrer au groupe. Mais devant leur refus, il quitte au début de l'année 1969 pour aller former Humble Pie avec Frampton. Les trois membres restants du groupe, Ronnie Lane, Ian Magalan et Kenny Jones, sont à la période d'incertitude jusqu'à que Jones présente aux autres deux valeurs montantes de la scène londonienne, Rod Stewart et Ron Wood, qui viennent de claquer la porte bord du Jeff Beck Group. Et les cinq musiciens baptisent leur nouveau groupe Faces, bien que leur label Warner Bros. Records préfère les voir conserver le nom des Small Faces. Rod Stewart reprend à son compte donc The Way Giving, c'est son deuxième album solo, Gasoline Alley, sorti en 1970. Et pour l'occasion, je vous ai préparé un petit, on va dire, un Johnny revisité, c'est-à-dire je vais prendre la version instrumentale de Rod Stewart, de sa version de My Way of Giving, et je vais prendre les paroles, la voix chantée de Johnny Hallyday sur l'album Johnny 67 sur le titre Je n'ai rien demandé. Écoutez, nouvelle version Johnny revisité. Je suis. Pourquoi voudriez-vous que je change aujourd'hui? Mon cœur est trop sec, vous me l'avez dit. J'ai toujours tenu l'amour en échec. Tant mieux si je ne dois jamais. La semaine prochaine dans l'émission Johnny de A à Z, vous aurez droit, vous aussi, à une émission intégrale où beaucoup de chansons de Johnny seront reprises pendant 2 heures. Du moins, la version instrumentale sera tout à fait différente de celle que vous connaissez. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. De retour en live, Johnny à Grenoble, le 10 février 1968, avec ce titre, San Francisco. San Francisco. Francisco. Vous les verrez, des fleurs dans les cheveux. Tous les hippies de San Francisco. Ses détracteurs reprochent souvent à Johnny d'avoir été à la fois un hippie et un bagarreur, se référant principalement à cette adaptation d'une chanson écrite par le chef des Mamas and Papas pour son ami Scott McKenzie, qui est John Phillips. C'est mécomprendre le texte français où jamais l'interprète ne cherche à se faire passer pour un hippie, se contentant de dire qu'il a des amis qui le sont. C'est une petite chronique sur un phénomène de jeunes de société qui, d'une manière ou d'une autre, comme le fera le punk 10 ans plus tard, a mené chacun à prendre une position à se déterminer. Rocker, Johnny aurait pu sourire avec condescendance à la vue de ces jeunes pacifistes. Il a préféré montrer sa solidarité. Il faut par ailleurs se souvenir que sous l'étiquette générale et floue de hippie, on désignait différents courants apparus en Californie. Certains étaient très énergiques comme les Hells Angels ou les Diggers, avec qui Johnny se serait certainement bien entendu. Écoutons à présent la version de Scott McKenzie de San Francisco. Votre casque sur les oreilles. Vous écoutez Johnny de A à Z. Revenons à l'album de la semaine qui est Johnny 67, sorti le 2 juillet 1967. Voici Lettre de Fan. dans une lettre remplie de flammes. Quand tu m'écris de toi, je suis fan et je t'aime. Oh oui, je t'aime. Car pour moi, Johnny, tu seras toujours le premier. Je reçois de ces lettres au courrier chaque jour. J'ai bien du mal à croire à ton amour. Et qu'un nouveau nom surgit à l'horizon. Alors là, tu m'abandonnes, ça je le sais, pour un autre. Oh oui, pour un autre. Et tu lui écris qu'il sera toujours le premier. Une lettre remplie de flammes. Lorsque je lis de toi, je suis fan et je t'aime. Oh oui, je les aime. Quand je lis Johnny, tu seras toujours le premier. Ouais, dans vos lettres, ouais, dans vos lettres. La version originale Teenage Later fut créée par Big Joe Turner et comme la chanson Got You On My Mind, Jerry Lewis l'intégra à son répertoire, ce qui, on peut le supposer, distingua le titre aux yeux de Johnny. Contrairement au groupe anglais The Sorrow, qui l'adapta juste avant lui, Johnny n'exagère pas le côté rentre-dedans rock contemporain du morceau, comme le feront à leur tour les Count Bishop à l'époque du pub rock, préférant pour sa part retrouver un peu la magie R&B originelle. Justement, on va la retrouver cette énergie R&B originelle avec Big Joe Turner, la version originale de Teenage Later. L'album de la semaine est Johnny 67, sorti le 2 juillet 1967. Et au niveau du son de la production, les arrangements sont riches. Cuivre, orgue Hammond, guitare électrique et rythme soutenu. La voix de Johnny est plus grave et posée, témoignant d'une maturité nouvelle. Et l'album mélange énergie et introspection, démontrant sa polyvalence. On retrouve Johnny Hallyday avec un morceau soul music, aussi dire que du bois, Knock Mood. Quand j'étais enfant, on disait que j'étais un vaurien et je traînais dans les rues tout le temps avec les mêmes copains. Oui, je m'en souviens, on se cognait. Grande année pour les expérimentations musicales qui vit l'explosion de la pop progressive, la publication de Sgt Pepper, l'arrivée des Pink Floyd et tant d'autres. Et les amateurs de rock'n'roll authentique, de musique jouée avec âme, trouvent alors un refuge extraordinaire de l'R&B tel qu'il est concocté à Memphis ou à Muscle Shoals, avec notamment les artistes des catalogues Stax et Atlantic, Otis Redding en tête. Et comme Eddie Mitchell ou Dick Rivers, Johnny, sans pour autant dédaigner ce qui se fait de plus actuel, saisit cette chance de pouvoir s'adonner à un style qui demande à la fois une grande présence physique, de la puissance, hein, mais aussi beaucoup de cœur. Évidemment, les chanteurs afro-américains sont de vraies bêtes de voix, des monstres d'intuition, et il est à porter au crédit de Johnny que ses versions ne pâtissent pas d'être comparées aux originales. Après le très performant Les coups, puis Respect, Quand un homme perd ses rêves, Je suis seul ou Ne sois pas si stupide, il se saisit d'un succès d'Eddie Floyd, Knock on Wood. Jim Stewart, patron de Stax, ayant écouté une maquette chantée par Eddie Floyd de Knock on Wood, destinée à Otis Redding, qui l'enregistrera finalement, décide de sortir la bande telle qu'elle. Bien vu, le simple d'Eddie Floyd se classe 28e outre-Atlantique, attirant l'attention de Johnny Hallyday. C'est sa version qu'on va écouter tout de suite sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. I've got, 'cause if I do, on wood. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Retrouvons Johnny Hallyday à l'Olympia en mars 1967 et avec ce titre d'Otis Redding, une adaptation du titre Otis Redding, ne sois pas si stupide. Eddie Floyd, à qui Johnny emprunta les coups, écrivit des morceaux pour ses collègues de chez Stax, notamment le plus prestigieux Otis Redding. Le répertoire de celui-ci est si riche qu'un titre comme Don't Mess With Cupid, pourtant très fort, n'est jamais réellement exploité commercialement. Par Johnny, qui empruntera aussi Respect à Otis, on a longtemps connu uniquement la version d'un concert de Ne Sois Pas Si Stupide comme ce que nous venons d'écouter, et celle en studio faisant partie des bonnes surprises réservées par l'intégrale en 1993. Écoutons la version Don't Mess With Cupid de Otis Redding. Holiday by Holiday. Johnny et la publicité. Ouais, c'est sérieux. L'étranger dans la ville, lorsqu'il est arrivé, dans cette ville hostile, aux étrangers. L'étranger dans la ville, il ne comprenait rien. Mais les gens de la ville hurlaient comme des chiens. Il a pris sa guitare, il a voulu chanter. Ils ont fait des histoires à l'étranger. Il a pris dans sa poche et a posé sur le bar pour que chacun s'approche une bouteille de Ricard. L'étranger dans la ville, il s'est fait des amis. On danse dans la dans la ville, quand l'homme et sa guitare sont partis, toute la ville leur criait au revoir. Salut! Salut! Salut! Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday, le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. Et ce soir, nous parlons de l'album de la semaine Johnny 67, sorti le 2 juillet 1967. Alors, qu'en est-il de la réception et de la postérité de cet album-là, la réception auprès du public? À l'époque, l'album séduit moins que les grands tubes précédents. Certaines reprises peuvent surprendre. Et rétrospectivement, Johnny 67 est un disque de transition fondamentale, préparant la suite, collaboration internationale, album plus puissant et rock. Et les rééditions modernes de 2000 et de 2019, le livre disque, révèlent toute la richesse des arrangements et la qualité vocale de Johnny. On va retrouver maintenant Johnny Hallyday en 1967 dans l'émission Bouton Rouge où Johnny est en studio d'enregistrement. Il enregistre la chanson La Seule Vraie Musique. On va écouter tout ça avec les commentaires de Lee Hallyday à l'époque et de quelques autres qui étaient à la production. Johnny, je vais l'accompagner Dorothée. Les séances se passent de façon très décontractée et surtout dans un but de recherche. Même si les arrangements sont écrits avant la séance, il est très rare qu'on ne modifie pas une ligne de piano, de guitare ou même tout l'arrangement. Why do you think? I'm a fool, la musique. Qu'est-ce que je veux dire On peut réécouter une fois. Hein. Oui, bien sûr. Ah, une écoute terrible pour qu'on prenne la pied. Ah, une prise, c'est pas mal quand même. Pour le choking him to death. Toi, qu'on va prendre un certain pied au bout. On met ça au milieu. Tu vas voir un peu quand je vais la chanter sur ma moto. Avec Bernard qui court derrière, tu vois, avec un magnéto, un Revox. Avec un micro dans la peau d'échappement. Johnny sur la moto et Bernard qui court derrière avec un Revox et Johnny. Johnny, c'est ce qu'il faut faire, un petit dessin animé comme ça. Johnny, faut faire ça, tu vois. Toi sur la moto, Bernard qui court derrière avec un Revox, tu vois, un magnéto et Johnny qui fait le mix. Johnny sur la moto, c'est un dessin animé. Avec les bandes. J'aime bien mettre dans la peau d'échappement de son nord. Comme ça, j'ai déjà joué avec une crème. Les aventures de la peau d'échappement de son nord. Joli, oui. Bernard a chaud. Brum, brum. Il y a plusieurs. Quand Johnny se lance dans quelque chose, c'est toujours à fond. Ainsi, en cette période, il saute sur tous les morceaux R&B qui lui plaisent. Dans celui-ci, Otis Redding avait imaginé pour l'un de ses poulains Arthur Conley. Né en 1946 en Géorgie comme Otis, Arthur Conley fut engagé par celui-ci pour son label Yotis. Sweet Soul Music est en réalité une variante de Yemen, un titre de Sam Cooke. Et le simple d'Arthur Conley fut numéro 2 en mars 1967, score qu'Otis Redding n'avait jamais encore atteint. Et le texte de George Abert est tout à la gloire du style R&B et de ses meilleurs représentants, Otis Redding, Wilson Pickett, James Brown et évidemment Johnny Hallyday. Écoutons la version de Arthur Conley. Retrouvons à présent un nouvel extrait de l'album de la semaine, Johnny Swanset, Son amour pour un jeu. J'avais pris son amour pour un jeu. Elle était ce que l'on fait de mieux. Et le temps n'y fait rien. Je me souviens, j'avais pris son amour comme on prend, comme a dû le bonheur le plus grand. Jamais je n'oublierai comme on s'aimait. Et elle disait, tu me quitteras pour une autre que moi. je ne suis qu'un premier amour. Tu m'oublieras un jour. J'avais pris son amour pour un jeu, jusqu'au jour où elle m'a dit adieu. Et je l'ai vu partir sans rien à dire. J'avais pris son amour insouciant. Il revient me hanter maintenant. Je m'en souviens toujours de notre amour. Elle avait peur de l'avenir que je voulais bâtir. Elle a dit continue sans moi, la chance est avec toi. J'avais pris son amour pour un jeu. Elle était ce que l'on fait de mieux. Je me souviens. J'avais pris son amour comme on prend, comme a dit le bonheur le plus grand. Aujourd'hui je le sais, comment s'aimer, comment s'aimer. Tommy Brown et Mickey Jones ont composé deux titres pour cet album-là, Son amour pour un jeu et Petite fille. Et dans les années 60, ces deux Anglais-là, installés à Paris, ont marqué la pop française. Ces deux musiciens de talent ont signé des chansons pour Johnny Hallyday, Sylvie Vartan ou encore Herbert Léonard. Mais un détail intrigue souvent les passionnés. Leurs morceaux portaient presque toujours des titres anglais. Alors pourquoi ? Eh bien, pas seulement pour faire plus rock. À l'époque, Brown et Jones composaient en anglais, puis leurs chansons étaient adaptées en français par des paroliers comme Philippe Labreau ou Georges Haber. Et ce n'était pas un hasard. En déposant la version anglaise en premier, ils gardaient la main sur leurs droits d'auteur. Cela empêchait qu'un autre écrivain modifie le texte ou détourne la chanson sans leur accord. En clair, le titre anglais, c'était à la fois une signature artistique et une protection juridique. Et puis bien sûr, à cette époque où la France vibrait au son des Beatles ou des Stones, un titre en anglais, ça donnait tout de suite une touche d'international et de modernité. Bref, derrière ces titres anglo-saxons, il y avait autant de stratégie que de passion. Brown et Jones avaient compris comment préserver leur œuvre tout en apportant à la chanson française ce petit parfum de Londres dont on raffole encore aujourd'hui. Et cette chanson, Son amour pour un jeu, qui était donc écrite et composée par Tommy Brown et Mickey Jones, fut interprétée par François Hardy en anglais en 1969 sous le titre Strange Shadow sur son album 1970, 1970 si vous préférez, et repris en français sous le titre L'ombre dans l'album Soleil paru en 1970. Écoutons avec des paroles anglaises François Hardy. Strange Shadow. From the page in the book that I found, from the sound of a word written down, telling me, telling all, strange shadows go. Fingers trembling, I read to the end. Then the light seemed to waver and bend, and the words seemed to shadows go. Comme c'est ce qu'ils nous ont dit, Chéri, au verso de la première impression de la pochette, cette chanson est l'adaptation d'un R&B véloce de Joe Tex, You Better Believe It, Baby, pas très éloigné de son célèbre Show Me, cherche par Claude François. Joseph Harrington se fit appeler Joe Tex parce qu'il était originaire du Texas, mais en 1972 opta pour un nouveau pseudonyme, Joseph Aziez, sous l'influence de la Nation of Islam qu'il avait rejointe en 1968. Écoutons la version de Joe Tex, You Better Believe It, Jay Baby. Baby, I want you. you. Maybe I want you. Maybe I want you. Maybe I want you. Vous écoutez toujours Johnny de A à Z le mercredi de 22h jusqu'à minuit ici sur RIG et à présent nous allons poursuivre John Hallyday sur sa tournée d'été en 1967. C'était dans l'émission 24h pour 3 idoles datant du 17 décembre 1967. On surgit dans le soleil, on découvre l'espace, la vie reprend. Et ce premier regard est celui de la solitude. Je suis seul presque toujours au milieu de mes tourments. Je me dis que tu me mens. Oh oui, l'écho quand tu vous arrives. Oh oui, ouais, ça fait mal. L'écho qui apprend à vivre. Oh oui, ouais, ça fait mal. Un coup de bonheur qui vient au bon moment. Un coup d'espoir au milieu des tourments. Les coups, ça fait mal. Les voitures, ça peut faire très mal. Les femmes aussi. La voiture et la femme. Deux sujets de préoccupation, d'attention, de soins. Deux beautés qui s'ajoutent, se complètent pour le plaisir de l'idole et le triomphe de sa légende. Il est indispensable que le séducteur soit un as du volant. L'idole s'assimile au coureur. Il a simplement oublié d'en mettre, c'est tout. Non, mais je m'excuse. Il en a remis 4 litres. Oui, bah alors c'est pas normal. Alors le mec qui a fait la vidange a oublié d'en mettre, c'est d'accord. Voilà, c'est tout. Il y a plus d'huile ? Bah, c'est pas possible. Ils le savent, je suis Lamborghini, il faut 12 litres. Par contre, il manque de l'eau. Va chercher de l'eau, s'il te plaît. Au revoir, David. Au revoir, David. Évidemment. Il y a une troisième solution. Téléphoner aux jeunes, Ploquin, pour le sortir. Les idoles ont de graves responsabilités pour leur âge. Tu es vraiment, t'as oublié ça ? Le pauvre môme est enfermé dans un hôpital et tu as oublié ? De toute façon, il est sorti ce matin. Mais il est sorti, qu'est-ce que t'en sais ? Il est sorti, s'il n'en passait sortir. Il pouvait pas sortir sans une autorisation, Jean-Pierre. Il est mineur, ce môme, il a 16 ans. Son papa, qui lui, non, mais c'est moi qui suis responsable de lui, Jean-Pierre. Alors, c'est moi qui peux le faire sortir. Bah si, mon vieux, j'ai l'emploi. Essaye de me trouver un truc comme toi. Mais elles sont capables de parler chiffon. Mais une autre couleur que jaune, n'importe quoi, je m'en fous. Bleu marine, j'aimerais bien. Pas bleu clair, hein, j'aime pas ces bidons. Non. Bleu ciel, ça fait... Layette. Non, bleu ciel, ça fait pecno. Oh. Regarde, qu'est-ce que c'est. Regarde. 32, je crois. C'est taille 2, oui, taille 2. Taille 3. Taille 2. Ah, 3. Elle m'a dit deux, la bonne. Je suis sûr que tu t'en fous de tout ça. Le métier use. Et comme l'idole doit rester intacte, il existe une médecine des idoles. Et puis, il me donne pas des trucs impossibles. Il sait ce que je prendrais, ce que je prendrais pas. Avec un docteur, il me donne des trucs incompliqués, comme c'est pas possible, que moi, je prendrais pas. Les piqûres... Il parle déjà pour trouver un type qui fasse des piqûres tous les jours. Ah, je vais goûter. Ah, voilà. Non, ce n'est pas un régime. Johnny a des goûts simples. Ça et la purée de pommes de terre. L'atmosphère change. Il se fait tard. La bataille se prépare. L'armée s'organise. En tête, l'intendance, avec ses masses d'instruments lourds, monstres électroniques qu'on traite avec égard. On prépare leur formidable puissance pour la seconde où l'idole, tout à l'heure, donnera l'assaut. La nuit est tombée. C'est le moment. Les troupes de choc arrivent. Les fanatiques anonymes attendent dans le tumulte. Johnny est calme. Son corps est plus détendu que jamais. L'athlète sûr de lui avant le match. C'est ton disque, hein? D'ailleurs, Johnny ne sera pas seul longtemps. Ils sont prêts. Tout le monde est prêt. La scène, la salle, eux, nous. Et les voici. Génération perdue. La confidence est immédiate. C'est la recherche très rapide d'une complicité. Samedi soir, la sortie est obligatoire et s'arrête au cinéma. La génération en veut à la terre entière. Et le long des routes. Toi, ton tonneau est sur ta guitare. Tu joueras pour sortir du noir. Devant les lumières de la célébrité, tu pourras faire briller le nom que ton père t'a donné. Que ton père t'a donné. Une autre stratégie, les troupes féminines lancées dans la bagarre. Et voici le moment où l'on s'offre, l'heure décisive où l'on promet tout. Pour l'instant, l'idole ne réclame rien. Elle se donne. À ce premier stade du délire, elle demande au public d'accepter l'offrande qu'elle fait d'elle-même. Et c'est elle qui va se mettre à genoux. Ça chante. Ouais. Allez, tapez dans vos mains tout le monde. C'était Johnny Hallyday en tournée d'été en 1967. C'était dans l'émission 24 heures pour 3 idoles, diffusée donc en décembre 1967. Revenons à l'album de la semaine qui est Johnny 67, sorti le 2 juillet 1967. Et qu'est-ce qu'on peut dire en fin de compte, en résumé avec cet album-là ? Nous étions partis d'un album La Génération Perdue, hein, avec un Johnny introspectif, engagé, observant sa génération. Et là, on retrouve dans Johnny 67 un Johnny devenu adulte, cosmopolite, explorant la soul et le R&B, affirmant son statut d'interprète international. Et entre les deux, un virage artistique clair, de l'idole à l'artiste, prêt à s'ouvrir au monde. Après, ce qu'on peut, je peux vous conseiller, c'est d'écouter ces deux albums, Génération Perdue et Johnny 67, et vous entendrez le Johnny en pleine transformation entre engagement, audace et passion musicale. C'est la naissance du Johnny adulte, celui qui ne cessera jamais de se réinventer et de surprendre encore son public. Écoutons maintenant Johnny interprétant Petite Fille, extrait de, donc de son album Johnny 67. Petite fille, je t'avais bien prévenu aujourd'hui. Ton amour, qu'est-il devenu? Petite fille, ce garçon t'a laissé aujourd'hui. Que les yeux pour mieux le pleurer. À ce moment, tu ne voyais que lui. Quand je t'aimais pourtant à la folie, petite fille. Petite fille, maintenant c'est bien trop tard. Ou aujourd'hui, j'ai trouvé l'amour pour y croire. Ah, petite fille, tu me cries ton amour aujourd'hui. Tu me cries trop tard au secours. Tu t'enlèves. Petite fille, je ne peux plus rien pour toi dans la vie. Quand l'un veut, l'autre ne peut pas. Ah, petite fille, petite fille, petite fille. Petite fille, deuxième titre, est composé par Mickey Jones et Tommy Brown avec des paroles donc de George Abert. Et cette chanson Petite Fille est publiée sur le même album, donc Johnny 67, que La Petite Fille de l'Hiver, qu'on n'écoutera pas ce soir. Ce qui a pu créer quelques confusions, et ce morceau est l'adaptation d'un titre figurant sur un EP de The States of Mickey and Tommy, sorti chez Mercury en 1967, Julian Waits. Et justement, c'est ce titre qu'on écoute tout de suite sur le train de diriger, puisqu'on écoute la version de Johnny et les versions originales. Johnny en live à Bercy en 1992 et ce titre, Hey Joe, on en parle juste après. Tu t'en fous de tout ça. Hey Joe à Bercy en 1992. Hey Joe, thème assez ancien, était joué par de nombreux groupes de folk rock californiens comme les Byrds, Love et tant d'autres. Et ce sont les Leaves sur Mira qui en firent un succès en mai 1966. En Angleterre, les versions de Tim Rose est bien appréciée, mais c'est un autre américain expatrié qui va triompher, le génial guitariste-chanteur Jimi Hendrix, entouré de son Experience. Et sa magnifique version y est numéro 6 en janvier 1967. On écoute la première édition de ce titre Hey Joe, du moins connu, parce que c'est un thème assez ancien, mais remis au goût du jour, c'est par le groupe The Leaves. Voici Hey Joe sur l'antenne de RIG. On sait quelle version a inspiré Johnny Hallyday. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On retrouve Johnny Hallyday en 1998 à Bruxelles, aux forêts nationales. Je suis seul. Quand je les vois par la main, tous les amoureux, moi je sais bien, oui, cet amour-là, je ne le connaîtrai pas, il ne sera jamais pour moi. Je suis seul. Parler d'amour, je suis seul presque toujours au milieu de mes tourments. je me dis que tu me mens. C'est bien joli. Moi j'ai peur d'être un jour trahi. Et ton amour tu peux me jouer. Moi je sais bien qu'un jour tu me braquerais. Le chisson. Reconnaissant dans le R&B l'immédiateté et l'authenticité qui lui avaient tant plu dans le rock'n'roll, Johnny se lance à corps perdu dans cette musique afro-américaine, empruntant à Otis Redding, Arthur Conley, Wilson Pickett, Percy Sledge et plein d'autres. Et de Benny King, à qui il avait déjà pris la chanson « Pas cette chanson », il tient la musique de « Je suis seul ». Ce thème, la solitude, fut souvent exploité, mais pour la première fois de manière aussi directe et efficace. Écoutons à présent la version de Benny King, « What is soul ?» Thank you. Faisant partie du même spectacle à l'Olympia en 1967, il eût été illogique que Sylvie Vartan et Johnny ne chantassent pas en duo, et c'est ce qu'ils font en revenant sur cette adaptation d'un titre d'un autre couple célèbre, Ike et Tina Turner, qu'on vient à l'instant d'écouter, Such a Fool for You. Johnny l'avait déjà réalisé à New York, hein, et était édité aussi le 15 mars 1967 sur le EP de Hey Joe, et sur ce disque, sur ce titre-là, il y avait des musiciens importés de Memphis. Le fabuleux Wayne Jackson à la trompette et Andrew Love au saxophone, soit les mêmes Vince Horns du studio Stax, et aussi de Muscle Shoals, Jimmy Johnson à la guitare, Tommy Gobbill à la basse et Roger Hawkins à la batterie. En fin de compte, superbe la version adaptée par Johnny Hallyday. Écoutons la version live de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan. Je crois qu'il me rend fou. Oui, entre parenthèses, ton amour. Yeah. ainsi s'achève cette émission Johnny de A à Z avec l'album de la semaine Johnny 67 ainsi que les versions originales de ses adaptations. Je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté cette émission et puis on le retrouvera bien entendu très prochainement en podcast. Et sinon, la semaine prochaine, donc émission avec quelques chansons de Johnny revisitées par votre animateur préféré. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne nuit. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt toutes et à tous. Ciao, ciao.